Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbeau-Mistassini au 418-276-2108. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année. Et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets, ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. En ces moments de réjouissance et de bonheur, toute l'équipe de Jean Dumas Ford souhaite de joyeuses fêtes à sa distinguée clientèle et la remercie de la confiance témoignée durant l'année qui s'achève. Profitez de l'occasion pour fraterniser avec vos proches. Ce sont les vœux de Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, numéro 418-276-1316. Les Dolphins de Miami vont extrêmement bien. 7 victoires consécutives. On peut dire que c'est l'une des équipes de l'heure dans la Ligue nationale de football. Et on est chanceux. On a un Québécois qui couvre les activités des Dolphins et également des Patriots pour le Sports Illustrated. C'est Alain Poupard et on le rejoint à Floride. Salut Alain. Salut Danny, ça va? Ça va bien. Quelle heure des expos? Tu n'as pas perdu tes origines, hein? Pas du tout. Okay. Non, ça c'est ma marque. J'ai toujours la casquette sur la tête. Alain, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, tu travailles pour le Sports Illustrated, tu couvres les activités des Dolphins de Miami. J'aimerais que tu parles un peu comment tu as fait. Après, on va parler de John Madden et des Dolphins. John Madden, c'est la grosse nouvelle ce matin. Donc, comment tu as fait pour te rendre du côté de la Floride? Ben, j'ai déménagé ici avec mes parents. On faisait des vacances annuelles pendant la période des fêtes de Noël. Éventuellement, okay. Mes parents sont déménagés. Je suis déménagé avec eux. Étudié le journalisme au collège ici. Et éventuellement, pogné une job dans un journal quotidien qui s'appelait le Miami News, qui n'existe maintenant plus. Okay. Puis au fil des années... Ça fait longtemps, là, on va dire, mais au fil des années... 92, je pensais que tu es parti du Québec, hein? Non, ça peut être début des années 80. Début des années 80, OK. Puis tu n'as pas perdu ton français, c'est quand même le fun pareil, tu le pratiques pas mal? Oui, l'accent, elle veut dire, est toujours là. Ce qui m'a échappé au fil des années, c'est certains mots. Il y a des fois où je vais être en milieu d'une phrase, puis le mot va totalement m'échapper, puis c'est un mot logiquement que je devrais savoir. Est-ce que tu donnes des entrevues encore un peu la semaine prochaine? C'est notre deuxième ou troisième ensemble, puis tu en donnes un peu à d'autres podcasts également. Tu es au 91.9 des fois aussi. Fait que ça fait bien de temps en temps de parler en français encore pour perdre ton français. Là. C'est très important. La grosse nouvelle ce matin, écoute, je t'ai appelé hier pour parler des Dolphins, mais là, finalement, je pense que c'est pas une bombe, là, mais c'est la grosse nouvelle. John Madden, qui est décédé hier à l'âge de 85 ans, c'est une icône de la NFL, autant comme entraîneur des Raiders d'Oakland, qui a 101 victoires, 32 défaites à la tête des Raiders. On parle évidemment des belles années des années 70, et lui également s'est rendu célèbre comme commentateur sportif, avec probablement le meilleur duo de l'histoire de la NFL, du sport américain, tout sport confondu, avec Pat Summerall. Je pense au début des années 80, ils ont été là jusqu'à la fin des années 90. Et il est décédé hier. Et également, son jeu vidéo, Madden, que tout le monde connaît, Madden, donc, est également lui aussi. Donc, toi, tes commentaires sur John Madden, ton meilleur souvenir sur Madden? Moi, ce qui ressort le plus quand je pense à John Madden, c'est, numéro un, c'est tellement facile d'oublier comment il était bon comme entraîneur, parce que bien des gens, ceux qui sont un peu plus jeunes, ils connaissent seulement par le jeu du vidéo, comme tu as mentionné, que j'ai joué et qui est vraiment cool. Penses-tu qu'il va y avoir des changements? Parce que je joue encore à Madden. Penses-tu qu'il peut y avoir des changements? Moi, je pense qu'à un moment donné, j'ai hâte de voir ce que la NFL va faire avec la mort de Madden. C'est un jeu qui fait du surplace, là, rapidement. Oui, ça, c'est pas vraiment ma place d'expertise. Je ne sais pas trop. Mais j'ai entendu mentionner hier, j'ai lu une très belle pensée que pour, généralement parlant, c'est toujours un joueur qui est sur la couverture. Ouais. Ça va être lui probablement, c'est lui probablement en 2023. OK. En 2023, il pourrait le mettre son image. OK. Donc, bon, là, comme entraîneur, il était. Est-ce que, tu sais, Bill Walsh a été l'instigateur du West Coast Offense? Tom Landry également, mais sauf que tu dis, John Madden n'est pas dans les grandes histoires parce qu'il n'a pas été longtemps comme entraîneur des Raiders d'Oakland aussi. Là. Non, mais le succès était totalement fou. Ouais. Écoute, il y avait une équipe très talentueuse, on ne faut pas se tromper là-dessus, mais il faut quand même tes coachs pareils. Non, puis l'autre chose que j'allais dire, que moi, une autre chose qui ressort beaucoup de lui, c'est qu'en tant que commentateur, c'était comme, c'est comme si tu regardais la partie avec un chum qui est en prenant une bière. Okay. C'est pas contrairement à surtout certains qui arrivent que tu as aujourd'hui, qui essayent tout d'analyser et de suranalyser tout ce qui se passe. Avec lui, ça me semble que c'était plus. C'était un. Les matchs à la télévision pour. Un showman, hein? Un peu comme John Gruden. Pour les plus jeunes, John Gruden était un peu dans ce style-là, hein? Ouais, un peu, ou mais encore, pas la même. Ouais, non, mais le même charisme. Non, Madden, c'est une coche à part. Là. C'est, quand je te dis, c'est le meilleur joke commentateur d'histoire, probablement. Tu sais, t'en as eu des grands là, de la NFL. Là. T'as eu Cassell, t'as eu également. Al Michael est un grand. Sauf que c'est pas deux grands ensemble. T'as un grand dans le duo, mais là, t'as deux grands. Pat Summerall, c'est quelqu'un aussi, là, de l'autre côté, là, tant au golf qu'également qu'au football. Donc, c'était tout qu'un duo, Pat Summerall et John Madden, donc décédé à l'âge de 85 ans. Si on parlait maintenant du côté des Dolphins, 7 victoires consécutives, qu'est-ce qui se passe? L'équipe, c'est sûr que je regarde le calendrier, ça a quand même été des victoires faciles, des équipes faciles, sauf que fallait que t'aies gagné pareil les matchs, là. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les Dolphins? Ben, c'est une combinaison d'une couple de choses comme toutes. Numéro un, défensivement, ils ne sont pas drôles à affronter. OK. Et ça, en combinaison avec, comme tu as mentionné, écoute, faut pas. Je sais qu'il y a bien des amateurs des Dolphins ici qui ne veulent pas entendre ça, là, mais le fait reste que pendant leur série de 7 victoires, ils ont affronté les Jets 2 fois, les Giants, ouais. Houston. La Caroline qui est en chute force. Les Ravens, à un moment où ils commençaient à s'effondrer. Et les Saints qui leur manquaient le trois quarts d'équipe à cause de COVID. Donc, je te dis, moi, c'est je te dirais... comparé, les matchs, par contre. Oui, mais je te dirais que moi, quand ils ont commencé la série du 3, là, qu'ils ont joué contre Houston la première partie, puis les Dolphins auraient perdu contre probablement 26-27 des équipes de la Ligue de NFL cette journée-là, de la manière qu'ils ont joué. Okay, la partie contre les Jets à deuxième, ils ont gagné 31-24, qui ont fait des erreurs à gauche et à droite. Ils auraient perdu comme deux tiers des équipes dans la ligue. Donc, oui, il faut qu'ils gagnent, mais là, si on veut s'aveugler, puis la cédule, c'est un peu... Il faut rester calme, pareil. Tu n'es pas un fan de Tua. L'année passée, je m'en rappelle, tu mettais... Quoi, hein? Quoi, t'es ça? Tu n'es pas un fan de Tua. Tu vas me faire rire. Je sais que les fans des Dolphins, tu te fais haïr par les fans des Dolphins. Penses-tu qu'il joue quand même? Il va rester toujours un charisme, toi. C'est un gaucher, c'est un gars d'Alabama, c'est un gars. Mais tu trouves-tu qu'il a progressé cette année? Aucun d'eux n'a progressé cette année. Puis ouais. Moi, je suis un gaucher, donc j'ai un point faible pour lui en partant. Là. Ouais. Moi, c'est ça que je te dirais de toi. Okay? Puis j'ai jamais dit. Faut que j'essaie tu de blessé, hein? Les fans, j'ai jamais dit que c'est pas un bon carrière. J'ai dit que c'est un carrière avec des limitations à cause de. Blessures. Ses limitations. Il n'a pas le laisser faire les blessures. Ses limitations physiques. Il n'est pas grand, il n'est pas gros, il n'a pas un bon bras. Mais de la manière que les Dolphins jouent présentement, qui est aidé avec leur cédule, tout ce qu'ils te demandent à leur attaque présentement, c'est. Perdez pas la partie, la défense va gagner la partie. Fait que perdez-la pas. C'est ça qu'on demande à un jeune corps souvent, là, peu importe. Là. C'est Mac Jones avec les Pats, il n'a pas agressé. Le système de jeu est adapté à lui, sauf que quand même, il ne perd pas souvent. Et c'est ça qu'on demande souvent à un jeune corps. tu sais, des Justin Herbert et Joe Burrow, il n'y en a pas beaucoup, là, ça ne pleut pas. Là. Donc, ce qu'on mange une case souvent au début, c'est garde ça simple. C'est ça? Oui, oui, mais c'est parce que le problème, c'est qu'éventuellement, si tu as des espoirs de gagner un Super Bowl, ben non, c'est ça va prendre bien plus de l'attaque que ce que les Dolphins produisent présentement. Puis la question que moi, j'ai encore, est-ce que toi, c'est le gars carrière qui est capable de produire ça? Puis je ne suis pas convaincu. Puis. Mais c'est un gars qui a amené, tu vas me dire, c'est un gars quand même qui sait comment gagner. C'est sûr qu'il y a une grosse équipe. C'est une carrière des Crimson Tide d'Alabama. C'est sûr que c'est une carrière de système, donc il ne faut pas comparer non plus. Mais il a quand même gagné. Il est quand même dans. C'est quand même ça, mais ça va prendre pas mal plus. Mais tu penses-tu qu'il y a le potentiel pour devenir le meilleur corps des Dolphins depuis Dan Marino? Il y en a eu des corps. Là. Ouais, mais c'est pas. C'est pas un très gros standard. Là. Non, mais il y en a eu des corps. C'est épouvantable. Là. Hein? Oui, pour ce qu'il lui demande de faire, oui, aucun doute. Mais moi, encore là, ma question, est-ce qu'est-ce qu'on veut un carrière comme moi? Tout le mot que j'emploie tous les semaines pratiquement avec ce gars-là, c'est efficace. Okay. Oui, mais efficace, ça ne gagne pas les Super Bowls dans mon livre à moi. Fait qu'il va falloir qu'il devienne plus que ça, puis je ne suis pas convaincu. J'aurais même des doutes qu'il est capable de devenir ça, parce qu'encore là, il n'y a pas de bras. Okay? Pardonnez-moi, tous ceux qui font des amateurs de trois, il n'y a pas de bras, puis il n'est pas gros. Puis éventuellement, mais présentement, comme je te dis, d'après moi, de la manière qu'ils jouent, puis ce qu'ils ont de leur attaque, c'est assez bon pour peut-être faire les éliminatoires, mais logiquement, quand ils vont arriver contre un gros club des éliminatoires qui sont aussi bons qu'eux autres, ou presque en défense, comme ben, Buffalo, Kansas City présentement, est-ce qu'on pense vraiment que les Dolphins sont capables de jouer avec eux autres? Non. OK, ouais. Parle-moi de Brian Flores. C'est un élève de Bill Belichick. Est-ce qu'il fait du bon travail avec les Dolphins? Oui, bien écoute. Pas de problème, on est. Pardon, ça me prend la tasse de café le matin, ouais. Sans ça. Ça fait pas de sens. Écoute, il n'y a absolument aucun doute, il faut dire qu'il fait une bonne job. Il a remonté son équipe de 1 à 7 à 8-7. Si on parlait simplement de l'idée qu'il n'y a aucun de ces joueurs qui ont lâché quand il était un 7, que ça arrive souvent, là. Surtout qu'il y a 2 ans, quand sa première saison, ils ont commencé ça comme ça, il était 0-7. Puis, c'est comme les gars n'ont pas lâché, c'était une équipe qui n'avait vraiment pas de talent, puis ils ont fini 5-4 les 9 dernières parties. Ça aurait été très facile après la saison l'année passée quand ils ont fini 10-6, puis ils ont commencé 1-7 cette année, de bien les gars, ça recommence encore ce niaisage-là. Mais les gars, ils n'ont pas lâché. Ils jouaient toujours de la même manière, en fait, d'effort, même quand ils perdaient. Puis Brian Flores, tout le long, il insistait que ça va changer, ça va changer, ça va changer, ça va tourner. Éventuellement, ça va tourner. Oui, aucun doute, oui, t'es un bon coach. Allez, il me reste 2 points que je veux te parler. Je veux te parler de... Tu sais que tu couvres les Dolphins, mais je veux te parler un peu des Bills, tu les connais très bien. J'ai regardé Josh Allen contre les Pats dimanche. Es-tu d'accord avec moi que c'est... Il a joué tout un match, là, mais s'ils veulent conserver pendant des années Josh Allen, il va falloir qu'il arrête de courir parce qu'il ne jouera pas jusqu'à 40 ans. Non, mais il est différent des autres carrières qui courent beaucoup parce qu'il est grand et il est gros. Ouais, c'est quasiment un secondaire. C'est 6 quoi? C'est 6, c'est ça? 6-5, 6-6, 2-40, 2-45. Généralement parlant, il prend moins... Des gros contacts, il va se faire moins maganer qu'un gars comme toi, entre autres, comme Lamar Jackson. Donc, Robert Griffin III, il nomme les toutes, Cam Newton et ainsi de suite. Dernière question. Les tests de COVID. La NFL a annoncé il y a 2 semaines qu'on allait juste tester les joueurs avec symptômes. C'est-tu moi? Ben, il y en a eu quand même avec les... C'est quoi? C'est des... c'était les Côtes d'Indianapolis qui en ont eu quand même pas mal, là, mais c'est-tu moi, mais il y en a eu moins de joueurs déclarés positifs, non? Non. Mais c'est pas juste ceux qui ont des symptômes. C'est des symptômes s'ils ne sont pas vaccinés. OK. Ils font aussi ça à la pige. Ils font ça à la pige aussi. Donc, c'est pas juste les symptômes, c'est juste les symptômes. Mais par le fait même, tu vas en avoir moins pareil. C'est pas ça qui s'est passé, là, en fait. Oui, la première semaine, mais en général, je te parle en général, ça devrait baisser un petit peu. Éventuellement, oui. Mais là, l'autre chose qu'on fait le mardi, qui peut faire une grosse différence, c'est que maintenant, la période où les joueurs, il faut qu'ils soient en quarantaine, pardon, excuse-moi, le mot m'échappe. Quarantaine. c'est 5 jours au lieu de 10. Donc, Carson Wentz, par exemple, il a une chance de revenir dimanche. Regarde Baker Mayfield avec les Browns et Cleveland. S'ils perdent des séries, s'ils ne font pas une série, il y a un match qu'il aurait pu jouer. Finalement, il n'a pas joué parce qu'il était sur le protocole de la COVID. Donc, Regarde les Saints, lundi soir. Il était rendu au quatrième quart aussi. Donc, quand même affaire. Alain, merci beaucoup. Très intéressant. Donc, on peut te lire. Sur quel site qu'on peut te lire? C'est Fansided, c'est ça? Non, pas du tout. OK. C'est All Dolphins. All Dolphins, okay. Ça appartient à Sports Illustrated, c'est bien ça? Non. Oui. OK. AllDolphins.com. Donc, si vous pouvez lire Alain, Poupard, un Québécois qui couvre les activités des Dolphins. C'est pas mal de fun. Puis, au plaisir de se parler. Alain Poupard de Sports Illustrated. Merci, Alain. Oui, il n'y a pas quoi de donner. Salut. Merci.